إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واشكروه إذ شرع لكم حج بيته الذي جعله مثابة للناس وأمنا عباد الله يستقبل المسلمون في هذه الأيام موسما عظيما من مواسم الدار الآخرة يتاجرون فيه التجارة الرابحة بالأعمال الصالحة ألا وهو موسم الحج إلى بيت الله العتيق والوقوف بالمشاعر المقدسة وهو موسم يتكرر كل عام والحج فيه فريضة على أهل الإسلام قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقد جعل الله للمسلمين مواسم للخير منها ما يتكرر في اليوم والليلة 5 مرات وهو الصلوات الخمس ومنها ما يتكرر في كل أسبوع وهو صلاة الجمعة ومنها ما يتكرر كل عام وهو صوم رمضان وحج بيت الله الحرام وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المواسم المباركة يكفر الله بها الخطايا ما دون الكبائر قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وقال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر ينفيان الفقر والذنوب وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وبينت هذه الآية الكريمة أن حج البيت فريضة على المستطيع وهو من يجد ما يبلغه من الزاد والمركوب المناسب لمثله بعد تأمين نفقة من تلزمه نفقتهم إلى أن يرجع وقد بيّنت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن فريضة الحج مرة واحدة في العمر وما زاد على ذلك فهو تطوع وهذه رحمة الله بعباده فلو أوجبه عليهم كل عام لما استطاعوا قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم، داعيا الناس إلى الحج ومبينا لهم حكمته وهي شهود المنافع العظيمة. ولم يحدد تلك المنافع لكثرتها ولتفاوت الناس في الحصول عليها، وهي منافع دينية ودنيوية، منها مغفرة الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومنها استكمال أركان الإسلام، لأن الإسلام مبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ولما كان الحج شاقًا لاحتياجه إلى النفقة، واحتياجه إلى قوة البدن، واحتياجه إلى السفر مسافات بعيدة ومن كل فج عميق، لما كان كذلك تأخرت فريضته في الإسلام إلى السنة التاسعة من الهجرة، وجعل فرضه مرة واحدة في العمر. ومن منافع الحج إظهار قوة الإسلام وكثرة المسلمين ووحدتهم وتآلفهم وتعارفهم، ومنها تعلم أحكام الدين وتدارس مشاكل المسلمين، فإنهم إذا اجتمعوا من أقطار الأرض وفيهم العلماء والقادة والساسة، تعلم جاهلهم من عالمهم وانتفعوا بخبرات قاداتهم وساساتهم في حل مشاكلهم. ومنها تعلم العقيدة وتطبيقها عملياً وإعلانها بالتلبية: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومنها إزالة الفوارق بين المسلمين وبيان أنهم أمة واحدة، أنهم أمة واحدة لا فضل لعربيهم على عجميهم، ولا لأبيض على أسود، ولا لغنيهم على فقيرهم، حينما يحرمون بنسك واحد في زي واحد ويتجهون إلى بيت واحد ويسيرون وينزلون في المشاعر وقت واحد. ومنها استفادتهم ماديا واقتصاديا في البيع والشراء والتأجير في الموسم الحج. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ومنها تربية النفوس على تحمل المشاق في سفر الحج وتنقلاته، وتربيتهم على البذل والإنفاق، لأن الحج يجمع بين العبادة البدنية والمالية. وتربية النفوس على التواضع والشفقة والرحمة بالضعفاء والمساكين في مواطن الزحام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفع من عرفة: أيها الناس، السكينة السكينة. وكان يأخذ بزمام ناقته ويمنعها من السرعة في مواطن الزحام حتى لا يشق على الناس، وإذا وجد متسعا أسرع السير. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أجل الرفق بالناس. ومن منافع الحج إعلان ذكر الله عند ذبح الهدي، والتقرب إليه بذلك النسك، والتوسعة على النفس وعلى المسلمين بالأكل من لحمه. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ومن منافع الحج إحياء ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة بإقامة المناسك على هدي هذين الخليلين عليهما السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وفيه مخالفة لدين الجاهلية والمشركين ومن منافع الحج تهذيب الأخلاق بالالتزام بالأفعال والأقوال الحميدة المفيدة وهجر الأفعال والأقوال الذميمة كما قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله ومن منافع الحج تعويل المسلم على التواضع والبساطة في الملبس والمأكل وتجنيبه عيش الطرف والتنعم ولذلك منع المحرم من مباحات كان يتمتع بها في غير حالة الإحرام كالاستمتاع بين الزوجين ولبس المخيط وتغطية الرأس للذكر والتطيب وحلق الشعر وتقليم الأظافر والاصطياد ومن منافع الحج الكبرى زيارة المسجد الحرام ورؤية البيت العتيق الذي هو أول بيت وضع للناس والتشرف بالطواف به امتثالا لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وكذلك الصلاة بالمسجد الحرام الذي تعدل الصلاة الواحدة فيه 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد والذي أفضل المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال ولا تشد إلى غيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى وفي رواية لا تشد بصيغة النهي ومن منافع الحج تذكر الموقف والحشر يوم القيامة والعظة والاعتبار فإن المسلم إذا رأى اجتماع الناس وتزاحمهم في المشاعر المقدسة على اختلاف ألسنتهم وألوانهم واختلاف طبقاتهم وأحوالهم الركبان والمشاة والصغار والكبار والأقوياء والضعفاء فإنه يتذكر المحشر الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون على اختلاف أعمالهم وأحوالهم ولهذا ختم الله آيات الحج من سورة البقرة بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Serviteurs d'Allah, craignez Allah et savez que vous allez être ressuscité et jugé par Allah subhanahu wa ta'ala, alors précipitez-vous aux bonnes œuvres et écartez-vous des interdictions pour que vous soyez du nombre de ceux qui ont le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Serviteurs d'Allah, sachez que dans les jours qui suivent, nous approchons d'une des périodes parmi les meilleures périodes de l'année, qui est une des grandes formes d'adoration parmi les formes d'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour les musulmans. Et c'est la période du Hajj. Une des grandes formes d'adoration qui réunit les serviteurs d'Allah une fois par année et qui est une obligation parmi les cinq piliers de l'islam que le musulman doit accomplir au moins une fois dans sa vie et de voyager vers la maison antique, la vieille maison Al-Ka'ba, Al-Musharrafa, qui a été la première maison qui a été construite pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre et d'accomplir les rituels qui ont été enseignés par les messagers d'Allah et par les prophètes. Et donc ce hajj est une obligation parmi les obligations pour les musulmans et Allah subhanahu wa ta'ala dit que le hajj c'est une obligation pour les musulmans de faire le hajj et de visiter, de faire le pèlerinage à la maison, c'est-à-dire Al-Ka'ba, pour celui qui en a la capacité et qui a les moyens. Et donc, il a fait de ça un moment de réunion dans lequel les musulmans du monde entier se réunissent. Et il y a dans la religion de l'islam beaucoup d'adorations qui sont basées justement sur le fait de faire des adorations ensemble. Les cinq prières par jour qu'on fait à la mosquée, on se réunit pour les faire. Et ça, c'est, on peut dire, le rassemblement quotidien, puisqu'on le fait tous les jours. Il y a le rassemblement hebdomadaire, qui est justement la prière de Jumu'ah, dans laquelle on se réunit une fois par semaine pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a la réunion ou le rassemblement annuel, qui est le rassemblement pour le hajj, et également les adorations qu'on fait durant le ramadan. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait ces rassemblements entre les croyants qui se réunissent pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le fait de se réunir dans ces actes d'adoration-là, il y a pour les croyants une expiation pour leurs péchés. Du moment qu'ils s'écartent des grands péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre les cinq prières que les croyants accomplissent chaque jour, de même qu'entre les prières de vendredi, c'est-à-dire d'une prière du vendredi à l'autre, d'une prière à l'autre, d'une prière du vendredi à l'autre, et d'un ramadan à l'autre, il y a une expiation pour les péchés qui ont été faits entre les deux. Donc ça veut dire que quand tu fais tes prières, eh bien, Allah efface les péchés que tu as faits entre tes prières. Quand tu fais la prière du Jumu'ah, Allah efface les péchés que tu as faits entre les deux Jumu'ah. Et quand tu fais le ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés que tu as faits entre un ramadan jusqu'à l'autre. Et d'un hajj à l'autre également, il efface ce que tu as fait entre les deux. Et la même chose pour la Umrah. Et donc, il y a dans ça une expiation pour nos péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, faites suivre entre le hajj et la Umrah parce que elles éliminent la pauvreté et les péchés de la même manière que le feu enlève les impuretés dans le métal, l'or et l'argent. Et donc c'est une manière de se purifier également que d'accomplir ces actes d'adoration-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné donc de faire le hajj à celui qui a la capacité de le faire. Je veux vous demander de vous approcher un peu pour faire un petit peu d'espace pour les frères qui sont derrière. Barakallahu fikum. Et donc, celui qui possède la capacité, c'est-à-dire la capacité financière et la capacité physique de faire le hajj, il a la monture ou le moyen de transport, il a la provision nécessaire pour lui-même et nécessaire aussi à sa famille, ceux qui sont restés derrière. Donc il les laisse pas sans rien. Il part au hajj, il laisse sa famille sans rien. Ça, c'est pas correct. Donc il doit partir, il doit laisser quelque chose à sa famille pour qu'il puisse veiller à leurs nécessités, à leurs besoins. Et aussi, il doit avoir la capacité physique d'être en bonne santé et en bonne forme pour être capable d'accomplir les rites. Et également pour la femme, il faut qu'elle ait un mahram pour faire le hajj. Elle ne peut pas voyager seule. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'une femme voyage seule sans son mahram. Donc elle doit avoir un homme de sa famille qui voyage avec elle pour pouvoir faire le hajj. Si elle ne l'a pas, dans ce cas-là, ce n'est pas un péché, puisqu'elle est excusée dans ce cas-là. Mais autrement, si quelqu'un il a l'argent, dans son compte de banque, il a l'argent suffisant pour pouvoir payer le billet d'avion, payer le visa, faire le voyage, et qu'au lieu de ça, il ne le fait pas, c'est-à-dire il prend son argent pour faire d'autres choses, alors qu'il a l'argent nécessaire et il a la capacité physique, dans ce cas-là, s'il le retarde sans excuse, il a commis un péché. Celui qui retarde le hajj sans excuse valable, il a commis un péché. Et ça, c'est quelque chose, il y a une chose à laquelle on doit penser et on doit réfléchir. Parce que surtout que ceux qui vivent ici au Canada, on est loin des Terres Saintes. Ceux qui habitent en Europe, ou il y en a en Afrique du Nord, par exemple, c'est plus proche. Et parfois, le billet d'avion est moins cher, c'est plus facile. Ici, on est loin des Terres Saintes. Et ça, c'est une chose qui est triste. Et on ressent cette tristesse. Parce qu'une fois qu'on est allé dans les Terres Saintes, on a vécu dans les Terres Saintes, on a adoré Allah subhanahu wa ta'ala à Mecca et à la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a toujours dans le cœur une tristesse et une nostalgie de retourner dans ces terres bénites, dans ces terres saintes. Et on ressent une douleur et une peine d'en être éloigné. Et également d'être éloigné des hommes de science et des hommes de savoir qui connaissent et qui enseignent la religion d'Allah. Et donc, c'est une peine, une douleur, une tristesse qu'on ressent du fait qu'on est éloigné de ces terres bénites et qu'on vit à des kilomètres et des kilomètres. Et que pour y aller, on doit faire un vol d'au moins 12 heures pour y arriver. Ça, c'est lorsqu'on ne fait pas d'escale. Donc, ça veut dire que des fois, il y a des musulmans qui ont les moyens, mais au lieu d'aller faire leur obligation, qui est le cinquième pilier parmi les piliers de la religion de l'islam, et une obligation qui est connue et certaine, ils se paient des vacances dans les pays musulmans ou dans d'autres endroits, et ils y vont chaque année sans calculer les cadeaux qu'ils achètent pour amener à la famille et les proches, et ils retardent l'obligation sans raison et sans excuse. Et ça, c'est un grave péché parmi les péchés. Imagine que tu meurs l'année prochaine, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Tu meurs, tu rencontres Allah avec 4 piliers au lieu de 5. Alors que tu avais la capacité d'accomplir tes 5 piliers. C'est quoi ton excuse? Quelle excuse tu vas donner à Allah subhanahu wa ta'ala? Des gens ont gardé l'idée dans leur esprit à cause du passé et la difficulté qui existait à l'époque de voyager, que le hajj, c'est quelque chose qu'on accomplit lorsque nos cheveux deviennent gris et lorsqu'on devient âgé. Et que c'est quelque chose qui se fait à un âge très avancé, avant la mort. Ça, c'est pas dans l'islam de penser de cette façon-là par rapport au hajj. Les sahaba, quand ils ont fait le hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas tous des personnes âgées, il y avait des jeunes, il y avait des vieux. Du moment qu'ils étaient capables d'accomplir cette obligation et cette adoration-là, ils le faisaient. Ils n'attendaient pas jusqu'à ce qu'ils deviennent très âgés. Et peut-être même que lorsque tu deviens âgé, tu tombes malade. Et que tu ne sois plus en capacité ou avoir les moyens physiques d'être capable d'accomplir le hajj. Parce que le hajj, c'est une adoration qui est très éprouvante et très exigeante physiquement. Il y a même des jeunes qui sont incapables de le faire tellement c'est éprouvant physiquement. Et il y en a même beaucoup qui tombent ou qui meurent pendant le hajj. À cause de la quantité de monde, à cause de la chaleur, à cause de beaucoup d'autres raisons. Donc si tu attends d'être très âgé pour le faire, tu risques de ne même pas être capable de le faire. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu devras payer quelqu'un pour aller le faire à ta place. Et que tu ne seras pas toi-même capable de le faire parce que tu n'auras pas la force nécessaire pour le faire. Donc, il ne faut pas attendre. Si tu as la capacité, si tu as les moyens, ne le retarde pas inutilement. Hein? Et c'est un rappel en même temps aussi de réfléchir. Comment on peut accepter nous-mêmes et tolérer de vivre dans un endroit qui est si loin des terres saintes et qui exige de nous tant d'argent et de fatigue pour justement y aller? Et pourquoi pas essayer justement de se rapprocher de ces endroits bénis pour pouvoir y aller plus souvent? Il y a des gens qui vivent en Angleterre ou en Europe ou bien dans d'autres pays qui sont plus proches, ils vont faire le hajj plus souvent. Ils vont faire la umrah régulièrement. Hein? Et ils ont cette possibilité, cette opportunité d'aller visiter les terres saintes et d'adorer Allah et d'obtenir des grandes récompenses. Surtout lorsqu'on sait que une seule prière que tu fais dans la mosquée de la Mecque, elle équivaut à 100 000 prières. 100 000 prières, une prière. Et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle vaut également des grandes récompenses lorsque tu pries dans sa mosquée. La prière est multipliée. La valeur des œuvres que tu fais, c'est multipliée. Et donc, pourquoi ne pas en profiter? Et pourquoi ne pas essayer de faire plus d'efforts pour aller accomplir cette obligation? Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset, « لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ » Lorsqu'ils vont faire le hajj, ils vont être témoins de plein de choses bénéfiques pour eux. Et parmi les choses bénéfiques, il y a le fait que tu vas compléter un des piliers de ta religion. Il y a le fait que tu vas faire revivre la religion d'Abraham et la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a parmi cela également le fait que tu vas montrer la grandeur et la force des musulmans et le grand nombre des musulmans et à quel point ils sont unis. Et également, tu vas exprimer et montrer les enseignements et les principes de l'islam. Lorsque tu fais la talbiya et que tu dis labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, tu réponds à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu témoignes de son unicité et que rien d'autre que lui ne mérite d'être adoré et que c'est lui seul et tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux et rejeté. Et tu montres également que entre nous, les musulmans, il n'y a pas de différence entre l'arabe et le non-arabe, entre le noir et le blanc, entre le riche et le pauvre. On est tous égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala et on est unis par cette foi et par cette religion qui fait de nous tous des frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Et du fait qu'il y a beaucoup d'autres bienfaits également, mais ça, ce ne sont que certains d'entre les bienfaits de l'accomplissement du hajj. Et donc, que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cette adoration-là, nous donne les moyens de pouvoir l'accomplir et de pouvoir justement augmenter notre foi, notre compréhension et notre connaissance de la religion. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين.